Ça part dans l'eau. Fuck toi, tu sais dédé. Fuck les pâtes dans le frigo. Fuck un taf en été. Fuck un passe navigo. J'suis sur terre pour l'oseille. Pas roulé en Clio. J'ai l'inspire de Dorcel et celle de Tarantino. J'tourne en rond dans la ville sur du Rough Rider. J'fais du beef, j'ai plus l'âge faire des punchlines. Si jamais mes rêves brûlent comme le Libertalia, enterrez-moi dans les mêmes cimetières qu'Alia. Ce soir ma vue est en argentique. Ce soir ma vue est en argentique. Ce soir ma vue est en argentique. Ce soir ma vue est en argentique. Ce soir ma vue est en argentique. Ce soir ma vue est en argentique. Ce soir ma vue est en argentique. Ce soir ma vue est en argentique. J'suis mort abandonné. Terre mort à ma fenêtre. Alors le soir je rêve. Los Angeles, Perry, moto, radar, photo, tu gères, Charlie, je cherche, euro, Perry, moto, radar, photo, tu gères, Charlie, je cherche. J'ai plus l'âge de t'attendre sur les quais de la râpée. J'ai plus l'âge de t'attendre devant le Nike de Châtelet. Moi pas par les restos, si toi pas par les doggies. Tu te shootes comme à la chapelle, on shoot comme Metro Booming. Ce soir ma vue est en argentique. Ce soir ma vue est en argentique. Ce soir ma vue est en argentique. Gentique. Ce soir ma vue est en argentique. Ce soir ma vue est en argentique. J'suis mort abandonné.